sous les tyrannies de la lune. L'âme est un océan docile. Il s'enfle à la houle nocturne. Dans les marées du cœur de l'homme, les veines sont fleuves de sang. Charriant du printemps à l'automne, calendrier de son souffle, mille tornades s'entortillent, ses poumons sont chambres de soufre. Dans l'au-delà de ses délires, comme une envie de s'envoler, de voir l'espace s'entrouvrir. Un océan docile. Il s'enfle à la houle nocturne.